Chapitre 16. Jésus dit à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant et l'on vint lui dire que ce gérant gaspillait ses biens. » Le maître l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi compte de la façon dont tu as exercé ta charge, car tu ne pourras plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Mon maître va me retirer ma charge. Que faire? Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre, et j'aurai honte de mendier. Ah, je sais ce que je vais faire. Et quand j'aurai perdu ma place, des gens me recevront chez eux. » Il fit alors venir un à un tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 tonneaux d'huile d'olive, lui répondit-il. » Le gérant lui dit, « Voici ton compte, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » 500 sacs de blé, répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici ton compte, écris 400. » Le maître de ce gérant malhonnête le loua d'avoir agi si habilement, car les gens de ce monde sont bien plus habiles en affaires les uns avec les autres que ceux qui appartiennent à la lumière. Jésus ajouta, « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses de ce monde, afin qu'au moment où elles viendront à vous manquer, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses? Et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne le bien qui est à quelqu'un d'autre, qui vous donnera le bien qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et aimera l'autre, il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. » Les pharisiens entendaient toutes ces paroles et se moquaient de Jésus car ils aimaient l'argent. Jésus leur dit, « Vous êtes ceux qui se font passer pour justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce que les hommes considèrent comme grand est sans valeur aux yeux de Dieu. » Le temps de la loi de Moïse et des livres des prophètes a duré jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste. Depuis cette époque, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée, et chacun use de force pour entrer dans le royaume. Mais le ciel et la terre peuvent disparaître plus facilement que le plus petit détail de la loi. Tout homme qui renvoie sa femme et se marie avec une autre commet un adultère. Et celui qui se marie avec une femme renvoyée par son mari commet un adultère. Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Un homme pauvre, appelé Lazare, couvert de plaies, se tenait couché devant la porte de la maison du riche. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, même les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges le portèrent à côté d'Abraham dans le ciel. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Le riche souffrait beaucoup dans le lieu où sont les morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et rafraîchisse ma langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. » Mais Abraham lui dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de biens pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre nous et vous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on ne peut pas non plus parvenir vers nous de là où tu es. « Je te prie donc, père, dit le riche, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, où j'ai 5 frères, qu'il aille les avertir, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. » « Cela ne suffit pas, père Abraham, lui dit le riche, mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de vie. » Mais Abraham lui dit, « S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si l'un des morts revenait à la vie. »